Bonjour et bienvenue dans votre cyber-revue de presse L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginat, je serai avec vous à la barre de cette émission pour les 90 prochaines minutes en cette fantastique journée du mercredi à 2h, rendez-vous maintenant de L'Autre Monde. Alors, nous en sommes à l'édition du 13 novembre 2013 au menu cette semaine. Alors, nous allons discuter un peu d'actualité mondiale. On va poursuivre notre dossier santé qu'on avait abordé la semaine passée et qui, de toute évidence, selon les réactions des auditeurs, a été bien apprécié. Alors, on va continuer à vous livrer les informations dans ce secteur-là aussi. Il y avait particulièrement le dossier des OGM et des vaccins cette semaine. Alors, nous allons toucher à cela. Et puis, ensuite de ça, eh bien, il y aura aussi quelques nouvelles diverses. On va peut-être parler du jour du souvenir qui était lundi passé. On parlait un peu de radioactivité et puis différentes nouvelles par rapport à ça. Ainsi que, bon, comme je vous disais, d'autres nouvelles diverses, là, dont Arafat et ainsi de suite. Donc, voilà, ça devrait être le menu de la semaine. Alors, tout d'abord, une nouvelle qui a été publiée dans un des journaux ici au Québec. On parlait de cette fameuse société d'État Hydro-Québec conciliante. Alors, on dit dans le sous-titre que la société d'État songe à diminuer les pénalités en cas de refus du compteur. Alors, c'est une histoire dont on avait discuté un peu ici sur L'Autre Monde, et en fait au Québec, avec en fait ce phénomène qui semble être tout simplement international dans les pays occidentaux, autant en Europe qu'aux États-Unis et ici au Canada, où on veut installer ces fameux compteurs électriques là, pour l'électricité, en fait. Qu'on appelle intelligents, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin d'avoir de lecture prélevée là manuellement par des gens qui viennent voir prendre la lecture directement sur le compteur. Alors ces compteurs qui électroniquement envoient les ondes par les ondes toutes les informations nécessaires quant à votre consommation d'électricité. Malheureusement, il se trouve avoir un tas de questions un peu en fait, soit écartée de la main légèrement en disant qu'elle respecte les normes, blablabla, ou tout simplement des facettes de ce dossier qui n'étaient simplement pas abordées par les compagnies qui les installent et puis qui, en fait, dans le fond, soulèvent des questions un peu qui rend un peu perplexe parce que on se demande pourquoi que on nous avait tout simplement pas averti ou mis au courant de différentes fonctionnalités de ces compteurs comme finalement totaliser en fait la somme si vous voulez, non seulement la somme, mais particulièrement de tous les appareils qui sont en utilisation chez vous. Donc, on prend un paquet de mesures, finalement, sur ce qui se passe intimement dans votre foyer. Et puis, après ça, on envoie toutes ces données-là qui sont colligées. Et puis, finalement, on n'avait pas trop averti les gens très clairement qu'il y a beaucoup de données qui sont prélevées, en fait. Dans certains cas, là, à tous les quelques secondes ou minutes, ou en fait, en tout cas, à des temps assez rapprochés. Donc, on voit qu'il y a vraiment une grande quantité d'informations, ou une formation en continu qui est prélevée, puis qui après ça acheminée dans les ordinateurs de ces compagnies exploitatrices. Alors, l'autre problème, c'est évidemment les ondes elles-mêmes, parce que c'est évidemment ces appareils transmettent via les ondes, et puis évidemment que on a des gens qui ont fait des expériences avec des compteurs, des détecteurs, et puis on voit des pulsations assez quand même assez intenses qui peuvent incommoder la santé des gens. Et puis on en fait fi vraiment, même qu'on pousse l'absurde et l'insulte à l'extrême ici, particulièrement au Québec, encore plus du fait que la compagnie qui produit l'électricité est en fait une société d'État, donc qui appartient à tous les Québécois, à tous les citoyens de cette province. Et puis, donc en réalité, c'est ça, c'est une compagnie qui nous appartient. Donc, normalement, ça ne devrait pas être géré comme une compagnie privée sur laquelle on n'a aucun droit de regard et aucun droit de décision, aucun droit de dire quoi que ce soit, de choisir quoi que ce soit. Et puis, malheureusement, les personnes qui sont mises en place pour gérer cette société d'État, malheureusement, reçoit des gens qui sont à coquiner très proches avec le secteur privé et puis des intérêts privés et est géré tout simplement d'une façon quasiment même totalitaire là, comme une compagnie privée sans aucun droit de regard pour la population québécoise. Donc, c'est un, à mon avis, un des graves problèmes. Et puis, ni plus ni moins, tant qu'à moi, appelle à si vous voulez, à l'annulation de tous ces postes-là, en fait, de ces gens qui se trouvent à ces postes-là, en fait, on devrait les renvoyer. Tant qu'à moi, ça devrait être la lettre qui devrait être postée immédiatement et puis dire que ben le rôle en tant que société d'État n'est pas rempli et puis on ne peut pas avoir une gestion qui est aussi totalitaire et sans, en fait, antidémocratique que ça, réellement. On a l'impression que cette société-là est gérée tout simplement pour ses propres intérêts, pour les intérêts de l'industrie privée et non pour les intérêts de la population en général. Donc, non seulement ça, on a poussé ici l'insulte, non seulement qu'à, dans un certain sens, obliger les gens à les avoir, mais si on refuse, la société d'État impose des pénalités. Imaginez, c'est quand même assez hallucinant, là. Donc, la société d'État songe à diminuer les pénalités en cas de refus du compteur, ce qui devrait être un choix normal, parce que là, vous comprenez que la société d'État ici, ben, évidemment, elle est la seule compagnie d'électricité. Alors, évidemment qu'elle jouit d'une position de monopole. Et puis, c'est pour ça que ça devrait être géré comme une société d'État avec des responsabilités envers la population. Et non de tirer avantage de sa situation de monopole sur le marché, de contrôle complet du marché pour imposer des choses sans des solutions de rechange, sans alternatives pour les gens qui choisissent de ne pas faire installer ces compteurs-là, avec raison ou à tort, peu importe, là. Je veux dire, ça devrait être le choix des gens. Okay? Alors, on en a installé déjà pas mal au Québec. Hydro-Québec a déjà installé 800 000 compteurs un peu partout au Québec lors des derniers mois. Et puis, là, on est en train d'évaluer la possibilité de diminuer les pénalités en cas de refus. C'est ce qui arrive, c'est qu'environ 2500 personnes n'ont pas voulu de compteurs. Ça, c'est ce qu'on nous dit, là. Moi, j'ai un peu de misère à comprendre, à croire ça. Mais bon, c'est possible que ce soit le vrai nombre. Je le mets en doute, mais bon, parce qu'on essaie de pas donner l'impression aux gens qu'il y a tant de monde que ça qui les refuse, alors qu'il y a pas mal plus de gens que ça qui sont très sceptiques face à ce fameux compteur intelligent. Alors, on dit ici dans cet article du Journal de Montréal que de l'édition du 9 novembre, qu'environ 2500 personnes n'ont pas voulu de compteur et ont accepté de payer les pénalités de 340 $ la première année, de 200 $ les années suivantes. Donc imaginez, là vous n'avez pas voulu accepter, vous aviez déjà un compteur, le compteur fonctionnait super bien, aucun problème, aucun frais additionnel qui a été engagé si on n'a pas décidé de changer soi-même sans demander au client, là on s'entend. Mais encore là, c'est la faute de la société d'État si elle change les compteurs sans demander le consentement de ses clients. Bon, en fait, ses clients qui sont en fait ses vrais propriétaires. Vous comprenez un peu là? Donc là, on impose des frais. OK? Donc là, vous avez votre compteur, on ne l'a jamais touché, personne ne s'est déplacé, il ne s'est rien passé, ça n'a rien coûté de plus à la société d'État. Et puis là, ben soudainement, on instaure des frais comme ça. Écoutez, 340 $ canadiens la première année et 200 $ les années suivantes, donc à chaque année. Ce qui est une absurdité totale, ce qui est criminel à mon avis, illégitime et complètement sans éthique. Alors réellement, là, un peu moins de 1700 personnes ont aussi envoyé une lettre à la société d'État leur demandant de conserver leur compteur électromagnétique. Et puis, là en fait, on a eu beaucoup de citoyens qui se sont insurgés contre ça, évidemment. Vous avez des villes aussi comme Longueuil qui ont adopté un moratoire dans ce sens. Puis vous avez aussi des élus à l'Assemblée nationale qui ont adopté à l'unanimité une motion demandant à Hydro-Québec de reculer sur les pénalités. Alors, vous comprenez que... Tu sais, il y a un problème, il y a un gros malaise, là, réellement. Puis là, vous avez le ministre responsable d'Hydro-Québec qui a décidé d'envoyer une lettre au président et chef de la direction qui s'appelle Thierry Vandal. Alors, un personnage très douteux, là, réellement, là. Et puis, on est obligé de faire toutes sortes de pressions comme ça pour faire accepter à M. Vandal de retirer les pénalités, alors que ça devrait pas être de son ressort à lui à décider s'il y a des pénalités ou pas, et puis de les garder ou pas, malgré que vous avez une opposition large de la population et des gens de l'Assemblée, évidemment, du gouvernement ici du Québec. Alors, à un moment donné, on se demande à qui on a affaire, là. Est-ce que cette société d'État nous appartient réellement ou si elle nous appartient pas? Est-ce qu'elle est gérée par des gens qui comprennent que c'est une société d'État qui appartient au peuple ou pas? Si ces gens-là ne comprennent pas, eh bien qu'ils soient mis à la porte, réellement. Qu'on fasse une mise à pied et puis qu'on cesse de donner des postes à des personnes aussi insolentes de la sorte. OK? Donc, voilà, c'est important de faire un petit retour sur cette situation. Bon, alors... Un petit commentaire que j'ai trouvé fort hilarant, et puis je tenais à en faire part aux auditeurs. Des fois, c'est drôle, réellement. Vous avez des gens qui viennent commenter sur la chaîne YouTube de l'Autre Monde, en dessous des vidéos. Alors, on peut laisser des commentaires. Et puis, sous une des vidéos qui s'appelle « La France sous six écoutes pour savoir si les élites agissent conformément au plan ». Alors, on avait parlé, en fait, de la France qui était sous écoute. Et puis, vous savez, c'est cet espionnage de la NSA avec lequel tous les, en fait, une grande majorité des pays qui étaient concernés par cet espionnage-là, donc vraiment une grande quantité de pays, oui, ont tout simplement collaboré joyeusement avec la NSA, dont un autre article ici qu'on peut trouver sur mondialisation.ca cette semaine par rapport... au fait que le Canada a aussi participé joyeusement avec la NSA des États-Unis. Bien, vous avez un auditeur, Jérôme, qui se reconnaîtra, qui a laissé un commentaire que j'ai trouvé vraiment drôle. Et puis, des fois, ben, faut prendre les choses en rien un peu, là. Dans le sens que ça veut pas dire de minimiser la situation et de rien faire, mais quand même, des fois, il faut savoir tourner les choses un peu à l'humour. Alors, il écrit pour une fois que le gouvernement écoute, pourquoi tant de monde s'en plaint? Alors. je l'avais trouvé vraiment excellente. Alors, Jérôme, réellement, j'ai trouvé ton commentaire excellent. Bon, alors, on continue comme ça. Un article ici fort intéressant trouvé sur Alter Info qui parlait des ingrédients, ces fameux ingrédients contenus dans les vaccins. Un article publié le samedi 2 novembre 2013 par Jeffrey John Ofterhide. Et puis qui parle des 7 ingrédients les plus répugnants dans la fabrication des vaccins. Et puis l'auteur écrit que les parents ont le droit de comprendre ce qui est injecté dans le corps de leur enfant. Non seulement ont le droit de comprendre, mais ont le devoir de comprendre. Hein? Donc des fois on fait confiance un peu aveuglément N'importe qui, n'importe quoi, je veux dire, même s'ils portent des sarraux blancs, qu'ils se nomment des docteurs des compagnies pharmaceutiques, à un moment donné, des fois, il faut se poser des questions, là, c'est pas, il y a personne d'infaillible, surtout pas dans ce domaine-là, qui de plus en plus se voit accusé d'actes criminels et d'amendes se chiffrant dans les milliards de dollars, alors parmi des fraudes et des problèmes juridiques d'envergure sans précédent quand même. Alors, il y a vraiment raison là de surveiller puis de remettre en question chaque chose réellement, surtout lorsqu'elle est injectée dans nos corps ou consommée par le corps ou ainsi de suite. Alors, la production de vaccins fait appel à plusieurs ingrédients qui sont, disons-le, vraiment répugnants. Et puis, on trouve des composants qui sont utilisés au cours du processus de fabrication qui peuvent évidemment blesser les convictions personnelles, religieuses ou éthiques. Sauf qu'à un moment donné, il faut, comme je vous disais la semaine passée, on va commencer à parler un peu de psychologie au fur et à mesure des émissions. Et puis, un concept central qui va revenir beaucoup, c'est la vanité. La vanité qui a pour racine vide de sens. Ça veut dire que c'est un peu, des fois, ce qui guide l'humain, le motif au cœur de l'homme de faire des choses. Et peut être vain. Et puis c'est la vanité qui va finalement avoir ces effets-là. Et puis il faut pas s'arrêter à des concepts, à des religions, à des idées préconçues ou des comment je vous dirais des dogmes, des endoctrinements, ainsi de suite, et puis s'offusquer si on dit le contraire. À un moment donné, il faut remettre tout en question, même nos convictions les plus profondes, parce qu'à un moment donné, des fois, on passe à côté de quelques petites vérités qui, finalement, risquent de nous affecter de façon adverse. On dit qu'il convient, outre de pas oublier le langage coloré qui est utilisé dans la communauté scientifique, comme des mots purifiés, ainsi que d'autres mots comme ça, comme le coût de certaines de ces substances. Et puis, en lisant la liste de cet article, il convient aussi de savoir que les lignées cellulaires et les vaccins sont souvent contaminés. La chose est camouflée sous l'expression « agent adventice ». Alors, il y a plusieurs mots comme ça qui, pour le public, bien que ça soit écrit sur l'emballage de ces produits-là pharmaceutiques, comme les vaccins, sont difficilement comprenables dans le jargon du commun des mortels, si vous voulez, mais signifient des choses qui, dans le fond, veulent dire autre que ce qu'elles ont l'air de dire. Des agents adventistes, là, quand vous lisez ça, ça vous dit pas très clairement c'est quoi, là, hein, vous comprenez? Puis bien souvent, on cherche pas à savoir c'est quoi non plus. Donc, ça passe un peu dans les oubliettes, et puis après ça, ben, on passe à côté de des faits qui sont quand même assez troublants. Comme, par exemple, que les vaccins, dans les notices, on retrouve ce qu'on appelle des cellules de fœtus avortés, qui sont désignées par l'expression de cellules diploïdes fœtales humaines. Deux lignées de cellules de fœtus avortés, ce qu'on appelle le WI-38 puis le MRC-5, qui ont été cultivées en laboratoire depuis les années 1960. Ces cellules sont utilisées pour cultiver les virus qui sont ensuite récoltés et traités pour produire les vaccins. Bon, vous direz, c'est le processus, c'est comme ça que ça doit être fait, mais je veux dire, il faut que vous soyez à l'aise avec ça, là. Okay? De quel vaccin s'agit-il? Ben, par contre, vous avez, par exemple, le DTCA, le vaccin contre l'hépatite A, le vaccin l'hépatite B, les vaccins contre la rougeole, rubéole, oreillon, le vaccin contre la rage, le vaccin contre la varicelle, le vaccin contre l'adénovirus. Alors, ça, c'est un exemple. Ensuite, vous avez le sérum sanguin de fœtus de veau avorté. Voilà, c'est vraiment génial de se faire injecter ça dans le corps. Alors, l'une des méthodes les plus grotesques utilisées dans la fabrication des vaccins est la récolte du sérum fœtal bovin. Alors, ce sérum fournit le bouillon de culture pour permettre au virus de se développer. Comment récolte-t-on le sang? Ben, on dit que, selon le site Human Research Australia, après avoir abattu et saigné la vache dans un abattoir, l'utérus de la mère qui contient le fœtus du veau est enlevé au cours du processus d'éviscération et puis est transféré ailleurs pour la récolte du sang. Une aiguille est insérée entre les côtes du fœtus pour aboutir directement dans le cœur. Le sang est ensuite aspiré dans une poche stérile et puis on dit que ce processus vise à minimiser le risque de contamination du sérum par les micro-organismes du fœtus et de son environnement. Seuls les fœtus âgés de plus de 3 mois sont utilisés parce qu'autrement, le cœur serait trop petit pour être percé. Une fois recueilli, on laisse le sang se coaguler à température ambiante. Le sérum est ensuite séparé par un processus connu sous le nom de centrifugation réfrigérée. Alors, ça, c'est contenu dans quel vaccin? Ben, celui, le ROR, rougeole, oreillon, rubéa, le vaccin contre le rotavirus, le vaccin contre l'adénovirus, le vaccin contre la varicelle. Vous voyez, c'est quand même assez particulier, là. Alors, des fois, on n'est pas super à l'aise qu'on apprend la vérité sur ces choses-là. Bon, numéro 3, cellules provenant de chenilles légionnaires. Alors, l'FDA a approuvé le vaccin Flu Block le 16 janvier 2013. Cette nouvelle technologie est présentée comme étant la vague de l'avenir. Elle utilise une lignée cellulaire d'insectes qu'on appelle le Express SF Plus R commercial qui est dérivée de cellules du légionnaire d'automne, le Spodoptera frugiperda. Alors, on dit que la notice du vaccin mentionne également que chaque dose de 0,5 ml de Flublock peut également contenir des quantités résiduelles de protéines de baculovirus et de la cellule hôte. Alors, on dit en concentration de moins ou égal à 28,5 mcg. Alors, baculovirus et cellulaire DNA. Alors, imaginez, ça contient des fragments d'ADN. Alors, dans quel vaccin retrouve-t-on ceci? Les vaccins contre la grippe. Alors, bravo. Ensuite, numéro 4, les cellules de rein de singe. Alors, on dit que, comme mentionné plus haut, le tissu du rein de singe est utilisé pour permettre la croissance de certains virus utilisés dans la production des vaccins. Il existe une énorme controverse quant à l'utilisation de ces cellules, quant à leur rôle contaminant dans le vaccin polio des années 1950. Alors, on a eu une crise grave dans ces années-là concernant le vaccin qui s'était produit dans l'épisode de la poliomyélite du milieu des années 1961, puis qui a été la réalisation que le virus qui provoquait les tumeurs chez les hamsters contaminait les vaccins polio et les vaccins contre l'adénovirus. Et puis, le virus appelé SV40 se trouvait dans les vaccins et servirait après le traitement au formol. Mais après ça, écoutez, ça se retrouve dans les vaccins. Et puis, vous êtes injecté avec ça. OK? Donc, ça, c'est important. Cellules de rein de chien aussi qu'on retrouve. Alors, selon cet article, le 20 novembre 2012, l'FDA a approuvé le vaccin contre la grippe saisonnière, Flucelvax, fabriqué par Novartis. Le vaccin est produit en masse en utilisant la lignée cellulaire continue de Madden Darby Canine Kidney comme substrat cellulaire des vaccins. Bon, de quel vaccin s'agit-il? Le vaccin contre la grippe. Les vaccins contre la grippe, là, c'est wow, c'est vraiment là, c'est la chose à se faire injecter réellement. Ensuite, ingrédient numéro 6, cerveau de souris. Alors, des vaccins viraux préparés en culture tissulaire au sur-cerveau de souris ont été utilisés dans de nombreux pays asiatiques, selon le site Internet du CDC. Le vaccin JE, inactivé et cultivé sur cerveau et souris, qui a été utilisé aux États-Unis depuis 1992, n'est plus disponible. Bien sûr, comme pour tous les vaccins, les effets indésirables sont rarement suivis et sont minimisés par les autorités médicales. Les dommages causés par les vaccins peuvent cependant être très grave. Alors ça a été contenu dans les vaccins le vaccin contre l'encéphalite japonaise, le vaccin contre la rage. Ensuite, on a aussi des embryons de poulets. Les poulets et les embryons ont longtemps été utilisés dans la production des vaccins. Ces méthodes ont été popularisées dans les années 1920 et 30 par Thomas Rivers et autres à l'Institut Rockefeller pour la recherche médicale, qui finalement cette fameuse institut Rockefeller qui est un peu à la base, à la racine de, si vous voulez, cette naissance de médecine moderne, en fait, pharmacologie chimique. Donc, c'est quand même bon à savoir pour ceux qui voudraient creuser le sujet. Bon, alors, ça, c'est important d'être bien informé à propos de ça, c'est évident. Bon, ensuite, un autre auditeur ou auditrice ici, je ne sais pas si un ou l'autre, le nom c'est Smahan Kerubi, Ça me paraissait être un homme, mais de la façon que la grammaire était écrite, c'était une femme. Alors, je ne le sais pas. Désolé, Smahan, si je vous vexe. Alors, mais bon, on me fait parvenir des liens très intéressants, dont par rapport aux OGM et puis aussi par rapport aux fameux poissons irradiés qu'on a trouvé dans un supermarché suisse. Alors, un article que j'avais d'ailleurs déniché sur l'Internet. Donc, on voit que les nouvelles sont rapportées de plus en plus de façon efficace. Alors, les OGM, excusez-moi, on va commencer par, ouais, c'est ça, vous avez la question du poisson césium de Fukushima. On va y revenir, vous avez des liens à aller voir là-dedans, mais on va commencer avec la question des OGM, si vous voulez bien. Alors, vous avez un article ici que j'ai déniché ou qu'on m'a fait parvenir, c'est l'article ici qu'on m'a fait parvenir. Les OGM stériliseront l'humanité au bout de 3 générations, dit-on. Alors ça, c'est parmi les liens que cet auditeur m'a fait parvenir. Et puis, c'est sur un site qui s'appelle Clair Severa Rebellion, alors .com. Alors, on a tu sais, des fois je vous rapporte des nouvelles comme ça parce que à un moment donné l'information s'est recroisée plusieurs fois et puis confirmée par plusieurs études. Alors je vous en fais part ici, il y a des liens, il y a des trucs qui ressortent, mais quand je vous en parle, c'est parce que bien souvent là, les trucs là se sont confirmés avec le temps. Et puis, c'est effectivement le cas. Ça fait plusieurs études qui révèlent que les fameuses OGM affectent la fertilité des animaux qui la consomment. Par exemple, le bétail qui vont consommer du maïs BT ou bon d'autres produits qui ont été génétiquement modifiés. Alors, vous avez cet article ici qui parle que les OGM stériliseront l'humanité au bout de 3 générations. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est arrivé pour des souris en laboratoire qu'on a nourries avec les OGM et avec d'autres bêtes aussi dont les fermiers se sont aperçus qu'il y avait des gros problèmes de stérilité, d'autant plus que les générations passaient. Alors, ce problème s'accentuait. Alors ici, on soupçonnait déjà que la perte de la fertilité était au nombre des graves dégâts occasionnés par les OGM. Or, une étude récente va dans ce sens encore. Une étude qui, si elle n'est pas étouffée, pourrait avoir un grand impact sur les décisions à prendre à l'avenir. On parle d'une étude dont les résultats frappants viennent d'être présentés à la presse russe dans le cadre des journées de défense contre les risques environnementaux. Elle est même évoquée par Jeffrey Smith, dont j'ai souvent parlé ici sur l'émission, qui est un des grands qui travaille pour le mouvement là, contre les OGM réellement, fondateur de l'Institute for Responsible Technology aux États-Unis, et puis qui en a fait référence dans son ouvrage Seeds of Deception, littéralement les semences de la tromperie, un livre qui parle du monde des OGM, qui a été publié en 2003, dont je vous invite fortement à le lire réellement. Alors, mené conjointement par l'Association nationale pour la sécurité génétique et l'Institut de l'écologie et de l'évolution, cette étude russe a duré 2 ans, et puis avec des hamsters de race Campbell qui se caractérisent par un taux de reproduction très élevé. Ainsi, le docteur Alexei Surov et son équipe ont nourri pendant 2 ans et d'une manière classique des petits mammifères, à l'exception auprès de certains d'entre eux qui ont été plus ou moins nourris avec du soja OGM résistant à un herbicide régulièrement importé en Europe. Les détails de l'étude, au départ, 4 groupes de 5 paires, alors mâles femelles, ont été constitués. Le premier a été nourri des aliments qui ne contenaient pas de soya. Le second a, quant à lui, suivi un régime alimentaire qui comportait du soya conventionnel et non OGM. Le troisième a été alimenté avec un complément de soya OGM. Le quatrième groupe a eu des plateaux repas dans lesquels l'apport de soya transgénique était plus élevé que dans ceux du troisième. Donc, à la fin de cette première phase, l'ensemble des 4 groupes a eu en tout 140 petits. L'étude s'est poursuivie dans une deuxième phase par la sélection de nouvelles paires issues de chacun de ces premiers groupes. Et dans la logique du déroulement, les nouvelles paires de la deuxième génération ont elles aussi eu des petits grands. De fait, la troisième et dernière génération de cobayes. C'est ainsi que le premier groupe, qui n'a pas consommé du tout de soya, il y a eu au final 52 naissances à la troisième génération. Okay, les chiffres sont importants ici, là, donc 52 naissances, troisième génération. Dans le second groupe, qui a consommé du soya conventionnel, il y a eu 78 naissances. Dans le troisième, toujours dans la même génération, la troisième. Dans le troisième groupe, celui qui a été nourri avec du soya OGM, il n'y a eu que 40 petits, dont 25% sont morts. Dans le groupe qui a consommé le plus de soya OGM, une seule femelle a réussi à donner naissance à 16 petits au total, dont 20% sont finalement morts. Donc, vous voyez, c'est quand même assez révélateur, ces chiffres-là. Il y a quelque chose là. Donc, le résultat est quand même assez clair. La troisième génération des hamsters qui ont eu dans leur menu une part importante de soya OGM n'était pratiquement plus capable de se reproduire. Mais une autre surprise de taille a été observée. Certains de ces hamsters issus de la troisième génération se sont retrouvés avec des poils dans la bouche, un phénomène d'une extrême rareté. Ça aussi, on avait déjà vu ça dans d'autres études dont j'avais parlé il y a au moins un an ou deux ici sur l'autre monde. Selon Jeffrey Smith, l'étude du docteur Surov et de son équipe pourrait bien déraciner une industrie qui vaut plusieurs millions de dollars. L'affaire est donc à suivre, mais quoi qu'il en soit, depuis l'introduction en 1996 dans l'environnement et dans la chaîne alimentaire de produits agricoles transgéniques, les risques qui y sont liés restent encore très largement inconnus, car volontairement très peu observés. Cela faute d'études suffisamment longues et indépendantes, mais aussi à cause du refus des semenciers de publier leurs propres études, sauf la contrainte juridique, pour des raisons de stratégie industrielle et commerciale, évidemment. Donc, aussi surprenant que cela puisse paraître, le principe de précaution dans ce domaine est effectivement balayé, alors que les incertitudes scientifiques qui demeurent devraient justement le mettre au cœur du processus d'évaluation. Donc, évidemment que l'ennui pour nous, les consommateurs, c'est que c'est nous autres qui sommes au bout de la chaîne alimentaire. Donc, finalement, dans l'histoire, c'est qui les vrais cobayes? Évidemment que la question se pose, là. Donc, c'est particulier, puis on sait qu'il y a cette histoire de dépopulation mondiale qui rogne dans l'esprit de ces élitistes, de ces gens qui sont extrêmement riches et qui participent à un paquet de programmes étranges de stérilisation dans le monde et qui en parlent, et qui parlent ouvertement, disons, de dépopulation mondiale. On parle de plusieurs figures publiques. J'en ai souvent aussi parlé dans le passé. Là, je ne répéterai pas toutes les informations. Mais si vous faites le tour des Morris Strong, Paul, des Rockefeller, si vous parlez des Ted Turner, vous parlez d'un paquet de personnes hyper importantes comme ça, qui sont à la tête d'organismes ou autant mondial que de portée mondiale ou ainsi de suite. Je veux dire, ce sont des gens qui ont publiquement, et on peut les citer avec des références très claires ou un écrit des livres dans ce sens, de façon très claire. Là. Il n'y a pas de mots couverts. Là. On parle ouvertement de dépopulation mondiale et ouvertement là de réduire là de jusqu'à, je vous dirais, 75-90% de la population mondiale. Okay? On y va pas de main morte en plus. Là. Fait qu'évidemment qu'il y a une question à savoir si les promoteurs des OGM étaient déjà depuis longtemps secrètement au fait des résultats de l'étude russe, en fait de ces faits-là, ce qui est vraiment très probable, et puis évidemment, ils se demandent, s'agirait pas là, peut-être de ce fameux but d'une dépopulation mondiale qu'on veut opérer parce que apparemment que là, la croissance démographique mondiale se développe trop rapidement, on a peur qu'il y ait trop d'humains sur la Terre, comme si là tout d'un coup, tu sais, c'est bizarre, hein, je veux dire, l'univers s'est développé de façon, on n'était pas là pour intervenir, là, je veux dire, tout s'est développé normalement, tout a pris sa place, tout est correct, là, je veux dire, puis là, soudainement, on s'inquiète, là, que là, il va y avoir trop d'humains sur la Terre, tu sais, ça se pourrait-tu, par exemple, que ceux qui essayent de dire qu'il y a trop d'humains sur la Terre, qui capotent pas mal, c'est justement les gens qui, finalement, accaparent le trois quarts des richesses mondiales, puis ils voudraient tout garder pour eux, ça se pourrait-tu, ça? C'est bizarre que ces gens-là qui parlent de dépopulation mondiale, ce soit justement ces grands riches, ces grands puissants de la planète qui possèdent justement les trois quarts de la richesse mondiale. C'est étrange, pareil. Donc, déjà dans les milieux médicaux, on dit dans cet article qu'on constate discrètement une augmentation inquiétante d'avortements non désirés, de bébés morts-nés dans les maternités. Mais on dit que le pire est à craindre, le développement des dérives génétiques donnant lieu à des malformations dramatiques et des dégénérescences neurologiques. une calamité qui prend la forme d'une punition générale de la part des lois de la vie face aux graves infractions faites à la nature. Vraiment, c'est ça que ça a l'air. OGM, dit-on dans cet article, là, l'auteur écrit, Michel Dagenan écrit OGM, Organisation du génocide mondial. Je la trouve bonne. Et puis, dans cette même lignée-là d'OGM, ben, on apprend ici dans un article qui a été émis par un communiqué vigilance OGM sur mondialisation.ca que du maïs sucré OGM a été découvert au Québec. Ça a été publié le 30 octobre 2013. Puis c'est une diffusion à l'émission Des Verts du 29 octobre 2013. Contre-attaque à Télé-Québec sur la découverte de maïs sucré génétiquement modifié dans les étalages de nos épiceries cet été. On a retrouvé ça. Donc, Vigilance OGM s'inquiète de l'arrivée de cet aliment directement dans l'alimentation humaine. Habituellement, les OGM entrent dans notre alimentation par la consommation des produits transformés, notamment par les produits issus de la production animale qui sont nourris aux OGM, comme les laits, les œufs, la viande. Et puis, il faut rappeler qu'en l'absence d'étiquetage obligatoire au Québec, il est difficile de savoir si le blé d'Inde, par exemple, que vous avez consommé, était génétiquement modifié, a déclaré André Nault de Vigilance OGM. Donc, ce reportage des Verts contre-attaque fait écho au test dévoilé la semaine dernière par le Réseau canadien d'action sur les biotechnologies, le RCAB, qui révélait la présence de maïs sucré dans les épiceries, les étalages routiers et les marchés de producteurs partout au Canada. Même si dans les deux cas, la taille de l'échantillon était petite et aléatoire, cela montre tout de même que le maïs sucré OGM est présent dans la plupart des provinces du Canada, et ce, à l'insu des consommateurs. Donc, effectivement, c'est un méchant problème, puis non seulement, comme je vous disais, c'est mis dans la nourriture, mais en plus, on refuse que vous sachiez puis que vous vous informiez. Les gens disent, écoutez, au moins, laissez-nous le choix, écrivez-les sur les emballages pour qu'on puisse librement choisir. Mais non, on vous ne laissera pas librement choisir. On ne vous informe pas, on refuse de vous écrire les ingrédients qui sont contenus dans la nourriture que vous mangez. C'est quand même assez incroyable, n'est-ce pas? On dit que, rappelons que tous les sondages réalisés depuis une dizaine d'années au Canada et au Québec font ressortir les inquiétudes des consommateurs envers cette technologie en particulier et surtout le désir fondamental de savoir si leur assiette contient ou non des OGM. On demande un étiquetage, évidemment. Et puis là, on a mis en place une pétition pour les consommateurs et consommatrices du Canada adressée aux grandes chaînes de supermarchés comme Metro, Sobeys, IGA, Loblaws, Walmart, Jim Patterson Group, et de leur demander de cesser de fuir la responsabilité puis d'informer la population convenablement et puis de cesser peut-être de mettre sur les tablettes des produits qui contiennent des OGM, bordel! Bon, alors, il y a tout le temps des affaires positives. Par contre, on voit qu'on n'est pas les seuls à s'inquiéter de ça. Dans cet article ici du site thenation.com, on apprend que 26 pays ont banni les OGM. Alors, pourquoi ne le faisons-nous pas ici au Canada et aux États-Unis? Évidemment, nous sommes les pays très massivement producteurs d'OGM. Vous avez plusieurs pays qui ont décidé de dire non à ces produits-là. Et puis, on devrait en faire autant réellement, là. On dit qu'ils sont au moins 6, et puis ça inclut quelques pays comme la Suisse, l'Australie, l'Autriche, la Chine, l'Inde, la France, l'Allemagne, la Hongrie, Luxembourg, Grèce, Bulgarie, Pologne, Italie, Mexique et la Russie. Donc, ça veut dire qu'on a plusieurs pays qu'ils interdisent complètement, puis vous avez des restrictions significatives sur les OGM qui existent dans à peu près 60 autres pays. Donc, c'est quand même positif. On voit que les choses avancent. Vous avez ici notre article qui s'est publié le 4 novembre 2013 dans le US News and World Report qui parle du cas pour l'étiquetage des OGM, évidemment. The case for labeling GMOs. Alors, évidemment, le public a le droit de savoir ce qui est dans sa nourriture. Et puis, on dit que au plus de 70% de la nourriture manufacturée, industrielle, contient des ingrédients qui ont été modifiés génétiquement. OK? Donc, c'est quand même une bonne quantité. Et puis, on apprend que dans d'autres sondages ici, à peu près 90% du public veut savoir si sa nourriture a été modifiée génétiquement. Donc, pourquoi qu'on ne l'a pas? T'sais? Je veux dire, à un moment donné, il est temps qu'on impose notre volonté. Donc voilà, chers auditeurs, on va faire une petite pause. On revient après ça avec du poisson césium de Fukushima dans les supermarchés suisses et les taux d'irradiation de la population européenne qui ont été augmentés. Donc attachez-vous, ça va irradier bientôt en Europe. À tout de suite. Thank you. Nous sommes de retour pour la deuxième partie. Alors, du poisson au césium de Fukushima dans les supermarchés suisses, apprend-on dans cet article par Olivier Stark, entre autres, le blog de Jacques Toutot est publié aussi sur mondialisation.ca, donc un paquet de sites finalement l'ont rapporté. La nouvelle très inquiétante, évidemment, le 30 octobre dernier, un journal suisse annonçait l'impensable. Du poisson contaminé au césium 137 de Fukushima a été retrouvé en vente sur les étalages des grands magasins suisses avec ce titre alarmant. Puis là, vous avez le titre en allemand ici qui veut dire en français « Du poisson de Fukushima au magasin suisse ». Alors, vous avez le lien à consulter. Alors, est-ce que l'impensable se serait passé, soulève cet article. Alors, du poison contaminé par Fukushima serait-il déjà en vente dans les magasins suisses? C'est ce que présuppose très nettement l'article paru dans le très populaire journal Le 20 minutes le 23 octobre 2013. Écoutez, c'est quand même assez incroyable. Là, on s'étonne encore plus que depuis cette date, le silence des médias est absolument total. Puis on dit d'ailleurs dans cet article que le journal n'a pas jugé utile de traduire cet article allemand en français puisque le journal est bilingue et qu'il est édité dans les deux langues. Alors, c'est quand même assez particulier. Une expertise de radioactivité a décelé 2 tons contaminés au césium 137 dans les magasins suisses. Il s'agit d'un test effectué par Radio 105. Alors, Radio 105 a acheté dans ce supermarché une part de chaque produit de thon et les a confiés au laboratoire de l'État de Bâle. Les résultats montrent que sur les échantillons achetés, 2 échantillons mesurés par spectrométrie gamma ont montré la présence très nette de césium 134 et césium 137, une substance présente dans les centrales nucléaires et une analyse qui signe la catastrophe de Fukushima. Donc, les isotopes de ces analyses sont comme une signature, ce qui permet de dire que ces poissons ont été plus que très probablement en contact direct avec l'eau ultra-radioactive de la centrale. Bien que les poissons ont été pêchés aux Philippines, la présence de césium 137 prouve en quelque sorte que ces poissons ont bien été contaminés par la catastrophe de Fukushima avant d'arriver aux Philippines. C'est ça. Comme je vous disais, il y a plusieurs mois, même quelques années, puis même tout récemment, je veux dire, personnellement, j'ai cessé d'acheter tous les fruits de mer qui proviennent de l'océan Pacifique et aussi, particulièrement ici au Canada, en fait au Québec, tous les fruits, particulièrement les légumes, mais surtout les fruits, les produits qui nous viennent de l'agriculture sur la côte ouest américaine, donc la Californie, ainsi de suite, où on a eu des retombées assez significatives là, de radioisotopes, ainsi de suite, là, qui ont été rejetés lors de l'accident nucléaire à Fukushima. Alors, ça pouvait peut-être paraître un peu bizarre comme mesure, et puis on se rend compte aujourd'hui, malheureusement, que effectivement, probablement que toute la chaîne alimentaire, là, en ce qui concerne l'océan du Pacifique, là, est mise en danger. Là. On commence à retrouver des poissons qui ont été pêchés aux Philippines, vous savez, là, et puis qui sont contaminés au césium 137 de Fukushima. Là. Donc, vous comprenez un peu le message. Là, et puis, vous avez vu aussi les nouvelles dont j'ai parlé les derniers temps aussi de ces de ces fruits de mer, de ces poissons, de cette vie marine finalement qui, jusque sur la côte ouest canadienne et américaine, sont contaminés aussi. Là. Donc, ça a traversé l'océan. Là. Donc, posez-vous pas trop de questions. Là. Donc, écoutez, selon Marcus Z. Reiner, chef du laboratoire cantonal de Bâle, il est fort à parier que cette contamination est liée directement à la catastrophe nucléaire de Fukushima. Et puis, on dit que, comme les poissons sont capables de parcourir de très longues distances, il est très probable qu'ils ont été contaminés au large de Fukushima, où ils auraient ingurgité pendant des mois ces isotopes radioactifs afin de migrer aux Philippines. Donc, ces poissons-là, ben ça se déplace en plus, hein. Puis, quand ils sont mangés par d'autres poissons, ben là, vous avez ce qu'on appelle une bioaccumulation. Alors, ça commence à remonter la chaîne alimentaire jusqu'à dans votre assiette. C'est ça qui arrive. Donc, on dit pour l'instant, on se veut rassurant en disant qu'avec 0,4 becquerel par kilogramme de césium 137, les valeurs sont en deçà de la limite de 1,250 becquerel par kilogramme. On est à peu près à 3 fois sous la norme, a-t-il déclaré. Donc, il n'y a pas de danger, supposément, pour la santé pour le moment. D'autres tests périodiques seront faits en laboratoire, a-t-il assuré. Mais ce que l'article ne dit pas, c'est que c'est si on a trouvé sur 5 échantillons qui est analysé au hasard, nul nous ne dit qu'il n'y a pas de poissons qui sont beaucoup plus atteints et qui sont en vente dans nos étalages. Des poissons qui, eux, n'ont pas eu la chance d'être analysés. Hein? Donc, on sait aussi que depuis l'accident de Fukushima, chaque jour, la centrale rend les océans du monde entier de plus en plus radioactifs et que la contamination durera au minimum 40 ans. Écoutez, 40 ans, je dis, l'article est très, très, très, très conservateur, là. Je veux dire, on pense à retirer le combustible nucléaire qui a fondu dans 50 à 75 ans si on a la technologie rendue là, OK? Là, donc, ouais, c'est ça. Donc, si on arrive à démonter la centrale, d'ici là, évidemment que les mers du monde entier auront largement eu le temps d'être hautement contaminées. En fait, c'est déjà en train de se produire. OK? Donc, cassez-vous pas la tête avec ça, là. Donc, il suffit aussi il suffit pas non plus de passer les poissons compteurs Geiger pour savoir s'ils sont contaminés, mais il faudrait savoir aussi ça demanderait des analyses qui sont beaucoup plus complexes et coûteuses aussi en laboratoire. Donc, ça va être pas mal impossible de contrôler tous les poissons qui sont mis en vente. Donc, évidemment que non seulement c'est impossible, mais comme vous avez vu, la mauvaise volonté des gouvernements à travers le monde de vous informer proprement, il y aura peut-être des choix ici à faire là, pour la population au cas par cas. Okay? Donc, allez voir ça. Europe Radioactif, un article de Crash the Bug. Europe Radioactif aujourd'hui et Radioactif demain, publié le 3 novembre 2013. On a un petit problème avec ça ici, c'est qu'encore là, les gouvernements en place, les instances en place, finalement, n'ont pas vraiment bien à cœur le bien de la population et de sa santé. Et puis, il apparaît que en Europe, on considère que pour des conditions existantes, donc il faut comprendre la situation pour toute la population, les doses de radiation acceptables pour les populations normales peuvent être de 1 à 20 millisieverts par an. Alors, ça, c'est une grosse augmentation de 19 millisieverts, OK? Donc, on a comme des notes ici pas mal importantes, des précisions qui sont apportées dans cet article-là. Puis, vous avez un texte officiel qui est fourni aussi. Puis là, vous avez les limites de doses telles qu'indiquées dans le document du Parlement européen. Ça correspond aux expositions auxquelles l'industrie nucléaire est autorisée à nous exposer. En principe, le public ne doit pas être exposé à plus de 1 millisievert par an. Alors, on parle ici là d'une règle qui est maintenue. Ceci concerne la somme des irradiations par exposition externe et par contamination interne causée par l'activité humaine. Donc, en cas d'urgence, nous pouvons être irradiés entre 20 et 100 millisieverts par an. Et puis, pour les situations d'exposition existantes, vous voyez les termes qu'on emploie, nous aurons droit à subir une irradiation entre 1 et 20 millisieverts par an. Donc, évidemment que quand on parle d'exposition existante, ça semble être un euphémisme pour désigner une contamination permanente, persistante, après une situation d'urgence. C'est un peu genre ce chiffre qui a été retenu d'ailleurs au Japon pour autoriser le retour des populations dans la région de Fukushima. Donc normalement, selon les normes européennes, on ne peut pas exposer la population à plus d'un millisievert par année. Mais là, on a un gros problème parce que quand il arrive des affaires comme à Fukushima, ben là, si on suit nos règles, ça va vouloir dire que des centaines de milliers, sinon des millions de personnes ne pourront plus vivre dans des immenses zones qui vont être devenues inhabitables. Donc, au lieu de régler ce problème-là, au lieu de traiter ces zones-là, au lieu de vraiment empêcher les gens d'y retourner, ben tout simplement, au lieu d'inquiéter les gens, pourquoi s'en faire avec des affaires de même? On va tout simplement relever la limite. Alors, c'est comme ça qu'on procède. Si on n'est pas capable de finalement s'en tenir à les limites qu'on avait déjà imposées pour l'exposition des gens à la radioactivité, ben on va augmenter cette augmentation-là, cette limite-là. C'est aussi imbécile que ça. C'est comme ça qui fonctionnent ces gens-là. Donc là, on va avoir droit de subir une irradiation entre 1 et 20 millisieverts par an. Donc, c'est quand même assez particulier. Donc, ceci permet aux États et aux industries nucléaires d'évacuer beaucoup moins de monde en cas d'accident, de faire revenir les évacués bien plus vite. Et puis, évidemment, c'est-à-dire de faire revenir les évacués bien plus vite dès que c'est à moins de 20 millisieverts par an, puis de ne pas indemniser les habitants qui choisiraient d'aller vivre ailleurs. Donc, c'est assez pernicieux, là. Vous voyez comment qu'on fonctionne un peu. Donc, aucune mesure spécifique n'est indiquée pour les femmes enceintes et les enfants, qui sont évidemment plus sensibles à ça. Donc, évidemment, vous voyez que les paramètres n'ont absolument aucun rapport. Donc, c'est assez particulier, réellement, là. Donc, je vous invite à regarder ça. Ensuite, vous avez en 2011 Toshiso Kasoko, qui se trouve à être conseiller du premier ministre en affaires nucléaires, avait démissionné à suite de la décision du gouvernement japonais de relever les taux d'exposition limite à 20 millisieverts par an, parce qu'il capotait. Vous voyez, la personne était en pleurs. Le japonais avait décidé, vous aviez la photo dans l'article, là, de Toshiso Kasoko, qui lui, comme je disais, conseiller du premier ministre en affaires nucléaires. Lui, là, quand au Japon, là, on dit, écoutez, là, il y a une grosse partie du Japon qui est irradiée à cause de Fukushima, qu'est-ce qu'on fait, zap? Ben là, écoute, on peut pas... faut pas capoter. On va monter l'exposition limite, tiens. Ben, on va, comme ça, ben, les gens vont être irradiés à 20 fois plus d'irradiation, et puis nous autres, on va s'en foutre. Ça va être excellent. Fait que lui, il a eu assez de conscience pour démissionner parce qu'il capotait de voir ça. Mais là, en Europe, ben non, ça va être correct. Pas de problème. Donc, évidemment qu'il faut comprendre que, malheureusement, la catastrophe de Fukushima a rien changé dans les esprits des décideurs, dit cet article. Puis, effectivement, c'est bien ce que ça a l'air. Au contraire, on dirait que le lobby nucléaire cherche à pousser encore plus loin l'absurde et à continuer d'exposer les populations de plus en plus de radioactivité, sans son consentement, évidemment, sans être vraiment bien informé de ce qui se passe. Et puis, évidemment, il y a aussi les effets des faibles doses des rayons ionisants dont j'ai souvent parlé aussi sur l'émission. On dit que les faibles doses ne sont pas si graves, alors qu'on s'aperçoit de plus en plus qu'effectivement les pires sources de radiation pour la santé sont les effets des faibles doses des rayons ionisants. Donc, là, on dit qu'actuellement, l'Europe autorise la commercialisation de produits contaminés au césium jusqu'à 600 becquerels par kilogramme contre actuellement 100 becquerels par kilogramme au Japon. Alors, les Japonais sont mieux protégés de 6 fois qu'en Europe. C'est vraiment spécial, là. Donc, on dit, le 24 octobre 2013, l'Europe, à son tour, admet une exposition accidentelle entre 20 et 100 millisieverts par an. Elle autorise la population à vivre en territoire contaminé jusqu'à 20 millisieverts. L'AIEA, donc l'Agence internationale de l'énergie nucléaire, toute puissante, avait déjà préparé le terrain 2 jours plus tôt en autorisant officiellement la vie en zone contaminée à 20 millisieverts par an au Japon. Donc, assez particulier. D'autres articles très importants dans la même ligne à consulter. Les normes relatives à la contamination radioactive des denrées alimentaires en Europe et au Japon. Un nombre calculé de morts par irradiation. Alors, des articles comme ça ici, là, qui sont à lire. Et puis, qui a la main aussi dans cette lucrative business du nucléaire, réellement? Ce puissant lobby privé qui fait des milliards de dollars à irradier la population entière et la planète. Rien de moins que la monarchie britannique, la reine qui fait le commerce d'uranium appauvri qui sert d'ailleurs dans les guerres d'agression de l'OTAN, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, bref, des banquiers privés sur un paquet de pays. Alors, on va libérer l'Irak, l'Iran, la Libye, le Yémen. On libère un paquet de pays comme ça. Hein? Même Israël a libéré la Palestine, puis la Libye aussi. Pas la Libye, mais le Liban, à l'aide de ces fameuses bombes et munitions à uranium appauvri, qu'on adore parce qu'il est si dense, il prend un feu, passe comme du beurre dans des armures et puis même à travers les chars d'assaut et ainsi de suite. Et puis écoutez, on apprend que la reine d'Angleterre elle-même possède des investissements privés dans des holdings d'uranium d'une valeur de plus de 4 milliards de livres sterling à travers la compagnie Rio Tinto Zinc. Alors ça vient d'un article qui a été publié par Kevin Lancaster-Riffey. Et vous avez cet article qui détaille comment que la reine Elisabeth est une des femmes les plus riches sur Terre et puis qu'une grande partie de ses profits provient du commerce de l'armement, incluant les très notoires armes à uranium appauvri. Alors on dit que la monarchie britannique a réussi à augmenter sa richesse de 300 millions de livres sterling lorsqu'elle était au début de ses 60 ans de règne et l'a augmenté à plus de 17 milliards de livres sterling merci à des investissements dans des firmes d'armement qui produisent de l'uranium appauvri qui est utilisé et une de ces compagnies d'ailleurs s'appelle Rio Tinto Zinc et c'est un fait fort important qu'on doit savoir. Et puis, tu sais, on voit ces gens-là qui se promènent en carrosse étincelant et puis tout. Puis on parle du bébé de William puis de l'autre. Puis la famille royale et puis le prince. Et puis vraiment un concept là, complètement dépassé, archaïque, qui date de plus de 1000 ans. Vraiment des gens qui vivent dans le passé. Une absurdité totale, là, je veux dire, voyons, on a une reine ou un roi, je veux dire, c'est complètement ridicule, là, je veux dire, on n'en a rien à foutre des reines, puis des princes, puis des princesses, puis je veux dire, ils peuvent même rembarquer dans leur carrosse pour sacrer leur camp, là. Encore moins quand on voit que ces gens-là, en plus, finalement, polluent le monde et des civilisations complètes d'uranium appauvri et puis en profitent. Franchement, là, ça fait pas mal dur. Donc voilà pour ceci. Californie, en Californie, écoutez une autre nouvelle publiée le 19 octobre ici dans le USA Today puis Associated Press. USA Today rapporte que la production de pétrole et ainsi que le gaz qu'on réussit à trouver par la fracturation des sols, donc les gaz de schiste, est plus utilisé qu'on le pense et fréquemment utilisé sur des plateformes au large dans l'océan et dans des îles qui sont faites qui sont fabriquées par des compagnies, en fait, là, des îles fabriquées, si on veut, là. Et on parle ici particulièrement dans la région de la Californie, où on a plusieurs communautés côtières, et on a dans des eaux comme Long Beach, au large de Seal Beach et puis de Huntington Beach. Une des régions les plus populaires pour le surfing et puis les attractions touristiques. On apprend que des compagnies pétrolières ont utilisé la fracturation des sols au moins 203 fois, finalement, au large, dans l'océan, à plus de 6 sites au travers des deux dernières décennies, selon des interviews et puis des données, des archives, en fait, qu'on fait lorsqu'on perce comme ça le fond marin, qui ont été obtenues par la Associated Press à travers des requêtes d'archives publiques. Et puis, on s'est aperçu que finalement, des compagnies qui finalement s'adonnent à la fracturation des sols, sans même que le gouvernement le sait, sans que quiconque dans l'État ou à l'intérieur du gouvernement savait quoi que ce soit à propos. Imaginez, c'est complètement capoté. Alors, non seulement ces gens-là, je veux dire, font des exploitations douteuses, mais finalement, ça donne à de la fracturation et à des activités qui ne sont même pas au su et vu des autorités en place. C'est quand même assez intense, là. Des histoires comme ça, il y en a plusieurs. Un autre ici, Goldman Sachs a donné à Hillary Clinton plus de la moitié d'un million de dollars en moins d'une semaine, il n'y a pas longtemps. Alors, quand on parle évidemment de duopole aux États-Unis sur le pouvoir, ainsi de suite, on demande des changements, on s'aperçoit que finalement les présidents, tout le monde est élu de deux gangs qui sont finalement deux clans de la guerre contrôlés par les banquiers privés. Là, évidemment, qu'on voit Hillary Clinton qui est en train de se positionner comme étant une candidate du changement, ben oui, supposément. Donc, elle veut remporter, évidemment, les prochaines élections, ainsi de suite. Et puis, ben là, on voit peu à peu les gros s'aligner. Et puis, ces gens-là, on voit qu'ils sont des chevaux présélectionnés de la même élite. Alors, juste ce mois dernier, Goldman Sachs a donné Mme Clinton plus d'un demi-million de dollars pour deux présentations, deux speeches qu'elle a donnés en une semaine. Alors, vous voyez que c'est quand même assez particulier là quand on voit encore Goldman Sachs avec sa main partout. Donc, vous voyez, quand je disais qu'une grande partie du gouvernement de Barack Obama est constituée d'anciens de Goldman Sachs, c'est rendu que même dans plusieurs pays en Europe, comme en Italie, comme en Grèce, je veux dire, on retrouve des anciens de Goldman Sachs aussi. Ils sont partout, ces gens-là. Ils sont vraiment partout. Les banquiers privés, vraiment, sont partout, possèdent, contrôlent la finance de nos pays et l'économie. Donc, ça, c'est important à savoir aussi. Il faut savoir qui tire les ficelles, réellement. Donc, voilà. Bancocratie de la République à Venise à Mario Draghi, Goldman Sachs. Ben, c'est un peu de ça que ça fait référence. C'est un autre article ici, publié par mondialisation.ca et écrit par Éric Toussaint. Et puis là, on parle de ces fameux ordres des Templiers qui s'étaient convertis en Europe en banquiers puissants, contribuaient à financer plusieurs croisades. Là, on parle de 14e siècle, qui était devenu le principal créancier du roi de France, Philippe le Bel. Et puis, là, on parle de Philippe le Bel, s'était débarrassé de ses créanciers par la même occasion de sa dette en diabolisant l'ordre des Templiers, l'accusant de multiples crimes. Là, on parle un peu de cette histoire-là, d'où sont issus ces fameux banquiers privés. On parle des banquiers vénitiens, après ça, qui ont financé des croisades, qui ont prêté de l'argent aux puissants d'Europe, mais qui avaient manœuvré beaucoup plus habilement que l'ordre des Templiers, alors que ces gens-là s'étaient un peu comme incrustés dans l'État. Comprenez, ils avaient pris de la tête de l'État en lui donnant la forme d'une république. Et puis, finalement, ils s'étaient comme incrustés avec une stratégie imparable pour s'enrichir durablement et garantir le remboursement de leurs créances. Fait que finalement, ils avaient décidé eux-mêmes d'endetter l'État vénitien auprès des banques qu'ils possédaient. Puis les termes des contrats des prêts sont définis par eux, puisqu'ils sont à la fois propriétaires des banques et dirigeants de l'État. Bref, en tout cas, je passe ça bien vite, là. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que les États nationaux et puis le proto-État qu'est l'Union européenne d'aujourd'hui sont peut-être plus complexes et sophistiqués que les républiques de Venise ou de Gênes du 13e ou 16e siècle, mais ils sont tout aussi crûment les organes d'exercice du pouvoir de la classe dominante, le 1% opposé au 99%. Mario Draghi, ancien responsable de Goldman Sachs en Europe, dirige la Banque centrale européenne, vous voyez? Les banquiers privés ont placé leurs représentants ou leurs alliés à des postes clés dans les gouvernements et dans les administrations. Les membres de la Commission européenne sont très attentifs à la défense des intérêts de la finance privée et le lobbying que les banques exercent auprès des parlementaires, des régulateurs, des magistrats européens est d'une efficacité redoutable, bien sûr. Ils placent leurs hommes au plus haut poste. Si une poignée de grandes banques capitalistes occupent le devant de la scène des dernières années, ça ne doit pas cacher le rôle des grandes entreprises privées aussi de l'industrie et du commerce qui usent et abusent de leur proximité avec les structures étatiques de manière tout aussi habile que les banquiers. On parle de cette interconnexion et l'imbrication inextricable entre les États, les gouvernements, les banques, les entreprises industrielles et commerciales et les grands groupes privés de communication qui constituent d'ailleurs une des caractéristiques du capitalisme dans sa phase actuelle comme dans les précédentes. Donc, on dit qu'effectivement, dès la victoire du capitalisme comme mode de production et comme formation sociale dominante, le pouvoir est exercé par les représentants des grands groupes privés et leurs alliés. Donc, on parle ici là, bon, du New Deal, blablabla, la formule de Margaret Thatcher, qu'il n'y a pas d'alternative. Marque jusqu'à aujourd'hui le paysage politique, économique et social à travers des attaques violentes des droits et des conquêtes sociales. Vous avez Mario Draghi, Angela Merkel, Silvio Berlusconi, le grand patron italien, José Manuel Barroso apparaissent comme des figures emblématiques de la poursuite du projet thatchérien. La complicité active des gouvernements socialistes, Schroeder à Hollande, en passant par Blair, Brown, Papandreou, Zapatero, et toute cette petite clique de joyeux lurons montre à quel point ils se sont insérés dans la logique du système capitaliste, à quel point ils font partie du système, tout comme Barack Obama de l'autre côté de l'Atlantique. Et comme l'a affirmé le milliardaire américain Warren Buffett, c'est une guerre de classe et c'est ma classe qui est en train de gagner. Alors, effectivement. Donc, on dit que le système de la dette publique tel qu'il fonctionne dans le système capitaliste aujourd'hui, en fait, c'est pas question de tant de système capitaliste qu'un système bancaire, monétaire, basé sur la dette, qui constitue un mécanisme permanent de transfert des richesses produites par le peuple vers la classe capitaliste. En fait, c'est l'hyperclasse, devrons dire. En fait, les termes sont peut-être un peu mal définis dans cet article-là. Ce mécanisme s'est renforcé avec la crise commençant en 2007-2008, car les pertes et les dettes des banques privées ont été transformées en dettes publiques. Donc, on dit que sur une très vaste échelle, les gouvernements ont socialisé les pertes des banques afin qu'elles puissent continuer à faire des bénéfices qu'elles redistribuent à leurs propriétaires capitalistes, en fait, les propriétaires privés de l'hyperclasse, du 1%. On dit que les gouvernements sont les alliés directs des grandes banques et mettent à leur service les pouvoirs et les données publiques. Exactement. Il y a un va-et-vient permanent entre les grandes banques et les gouvernements. Le nombre de ministres des Finances, de l'Économie ou de premiers ministres qui proviennent directement des grandes banques ou qui y vont quand ils quittent le gouvernement ne cesse d'augmenter depuis 2008. C'est même assez embarrassant. Donc, on suggère ici dans cet article que je trouve intéressant quand même, le métier de la banque est trop essentiel à l'économie pour être laissé dans les mains du secteur privé. Il est nécessaire de socialiser le secteur bancaire, ce qui implique son expropriation et de le placer sous contrôle citoyen. Évidemment, il faudrait pas que ça soit géré comme la Société d'État Hydro-Québec. C'est là qu'est le problème, c'est qu'il y a tout le temps maudit dérape. Fait que de toute façon, qu'on fasse une chose ou une autre, le problème, c'est qu'il faut prendre le pouvoir entre nos mains en tant que population mondiale. OK? Évidemment que ce secteur bancaire, au lieu de répondre des mains et puis des désirs de quelques individus privés, doit être soumis aux règles d'un service public et que les revenus que son activité génère doivent être utilisés pour le bien commun. Ben oui, j'applaudis, évidemment, bravo, effectivement. Donc, on dit que la dette publique contractée pour sauver les banques est définitivement illégitime et doit être répudiée. Effectivement, j'en ai souvent parlé dans l'émission, le principe de la dette odieuse. Donc, un audit citoyen doit déterminer les autres dettes illégitimes et ou illégales et permettre une mobilisation telle qu'une alternative anticapitaliste peut prendre forme. C'est pas nécessairement le problème du capitalisme. On vit pas dans le capitalisme. Si c'était vraiment du capitalisme, il y aurait une liberté des marchés. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de liberté dans les marchés. Le marché est contenu, possédé, contrôlé, dirigé par des méga corporations qui exercent une situation de monopole. Puis ça a été déterminé, analysé, prouvé, documenté par des analyses qui montrent que l'économie mondiale est effectivement contrôlée par quelques firmes, des multinationales extrêmement puissantes, quelques financiers, banquiers privés ultimement. Bref, cette petite clique de 300 quelques familles ou individus qui contrôlent plus de la moitié, sinon le trois quarts de la richesse mondiale. Alors, ce sont des faits, ça, chers auditeurs. Donc, voilà. Le cabinet israélien a ordonné à l'assassinat de Yasser Arafat. Nous choisirons la bonne façon et le bon moment pour tuer Arafat. Ça, c'est ce qu'il avait été déclaré par Israël il y a quelques années même. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que on a appris que finalement, les analyses des échantillons prélevés sur le corps de Yasser Arafat par une équipe de scientifiques suisses présentent des taux élevés de polonium-210. Donc, des taux qui ont été révélés au moins 17 fois plus élevés que la normale dans les côtes et le bassin d'Arafat, ainsi que dans la terre ayant absorbé ses fluides corporels. Ben oui, on l'a assassiné, effectivement. Ces développements soulèvent la question plus générale qui n'a pas été abordée dans les médias. Qui a assassiné Yasser Arafat? Le gouvernement israélien a fourni la réponse à cette question en 2003, un an avant sa mort. Et puis, je cite, « Nous choisirons la bonne façon et le bon moment pour tuer Arafat. » En septembre 2003, le gouvernement israélien a voté une loi pour se débarrasser d'Arafat. Le cabinet israélien pour les affaires politiques et sécuritaires a déclaré qu'il s'agissait d'une décision d'éliminer Arafat en tant qu'obstacle à la paix. Ben ouais. Donc, l'assassinat d'Arafat en 2004 faisait partie d'un programme militaire et du renseignement plus vaste visant à détruire l'autorité palestinienne. Et les récents reportages ne mentionnent pas que le cabinet israélien a ordonné l'assassinat extrajudiciaire en 2003. Cet ordre a été approuvé ensuite par les États-Unis, lesquels ont opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies condamnant la décision de 2003 du cabinet israélien de se débarrasser d'Arafat. Donc, l'assassinat était prévu depuis 1996 avec l'opération connue sous le nom de code « Champ d'épines ». Un document datant d'octobre 2000, élaboré par les services de sécurité à la demande d'Ehud Barak, alors premier ministre, affirmait que la personne d'Arafat constitue une grave menace pour la sécurité de l'État d'Israël et le préjudice que causera sa disparition est moindre que celui causé par son existence. Imaginez que le Mexique a décidé de tuer Barack Obama demain. Hein, vous comprenez un peu le lac, là? Imaginez si, la France allait tuer la tête du gouvernement allemand demain. Vous ne trouvez pas qu'il y aurait un problème qui se passerait, là? Mais ça, Israël le fait. Et puis, non seulement le fait, mais le fait sans impunément, si vous voulez. Donc, on n'a même pas le droit de critiquer, sinon vous êtes des sales antisémites, de toute façon. Fait que c'est ça. C'est un article fort important ici de Michel Chostovski à aller lire. Alors qu'on apprenait qu'en août 2003, Shaul Mofaz, le ministre israélien de la Défense, a déclaré de la guerre totale aux militants, jurant qu'ils étaient condamnés à mort. Donc, vous voyez que ces gens-là sont quand même assez radicales, là. Donc, voilà. On parlait ouvertement de tuer là à Arafat. Là. C'est pas bien compliqué. Là. C'est pas des gros secrets. Là. Puis là, vous avez le pape François, lui, qui, comme chef d'État, est au service de l'Empire. Vous en avez parlé aussi, ça, il y a quelques mois. Les articles commencent à sortir aussi dans ce sens. Ça continue. Celui-là, écrit par Oscar Fortin, repris sur encore mondialisation.ca, un article publié le 7 novembre. On apprend que c'est incroyable, mais vrai, le pape François, comme chef d'État du Vatican, vient de recevoir le candidat défait à la dernière élection présidentielle au Venezuela, Enrique Capriles, l'homme de Washington pour déstabiliser le Venezuela. Wow! Qui est Enrique Capriles? Il fut d'abord et avant tout un acteur important du coup d'État militaire qui renversa en 2002, pour quelques jours seulement, le gouvernement démocratique et légitime d'Hugo Chavez. Lors de ce coup d'État, à l'encontre du droit international qui protège toute représentation diplomatique à travers le monde, il avait assailli avec l'extrême droite l'ambassade de Cuba et causant de nombreux dommages, de véritables actes terroristes. Et puis là, c'est ce même Enrique Capriles qui a incité ses partisans, suite à la défaite électorale qu'il a subie en avril dernier, à aller se défouler en saccageant les centres de santé, les centres communautaires, tuant plus de 17 personnes et faisant plus de 65 blessés. Il est l'homme de main de Washington pour créer le chaos et créer des conditions pour un coup d'État militaire en vue de permettre à Washington et aux oligarchies nationales de reprendre le contrôle du pays, de ses richesses et de ses institutions politiques. Puis en recevant Enrique Capriles, le pape François reçoit exactement les porteurs de ce projet diabolique. Alors, de cela, le pape François ne peut pas feindre l'ignorance. Son nouveau secrétaire d'État étant l'ex-nonce apostolique au Venezuela, Pietro Parolin. Imaginez, de plus, comme cardinal argentin, il a pu suivre à travers ses contacts et les divers médias de communication tous ces événements qui ont marqué le règne du président Chavez. Évidemment, il ignore pas ça, là. Donc, évidemment que le seul fait de recevoir le candidat qui s'est refusé à ce jour de reconnaître les résultats des dernières élections présidentielles, lesquelles furent confirmées par le Comité international, le Conseil électoral national, le Tribunal supérieur de justice, est un affront à l'État vénézuélien sous la gouvernance légitime et constitutionnelle du président Maduro. Le seul autre chef d'État à avoir reçu officiellement Capriles, c'est le président de Colombie, Juan Manuel Santos, et ça a donné lieu à la suspension des relations diplomatiques, le temps que le président Santos explique son geste au président Maduro. Le président Pinera du Chili n'a pas reçu Capriles suite aux pressions de la population et de la communauté internationale. Alors, on se demande bien de quelle autorité morale a Enrique Capriles pour discuter avec le pape François pour l'avenir du Venezuela. Vous trouvez pas ça un peu bizarre? Quand je vous parlais un peu plus tôt, il y a quelques mois, qu'effectivement, le pape semble être finalement l'émissaire de Washington pour l'Amérique du Sud. Quel message envoie le pape François au peuple vénézuélien et au peuple émergent de l'Amérique latine en recevant ce candidat défait, auteur de nombreux crimes, sans respect pour la constitution de son pays? A-t-il pris le temps de lui parler de son condo acheté 5 millions de dollars à New York, peu de temps avant la dernière campagne électorale? Lui a-t-il parlé de l'importance de changer les cœurs avant de vouloir changer les structures, comme ils ont l'habitude de le dire au mouvement de gauche? Lui a-t-il rappelé qu'il était contre toutes les tentatives de coup d'État et contre tous les usages de la violence? Je voulais vous le rapporter. Il faut penser un peu à ces affaires-là. Quel genre de crédibilité que ces gens-là ont. Deux ans après la fin de la guerre aux États-Unis et de l'OTAN en Libye, alors on parle aussi de cette de ces après-guerres finalement qui étaient pour libérer le peuple, blablabla. Finalement, on s'aperçoit que c'est loin de ça. Et encore pire, deux ans après la fin de la guerre menée par les États-Unis et l'OTAN dans le but d'opérer un changement de régime en Libye. On devrait s'attendre à ce que ça soit fêté en fanfare à Washington, dans les capitales d'Europe occidentale ou en Libye même, mais en fait, cette guerre qui a duré près de 8 mois a atteint son objectif, à savoir le renversement du régime du colonel Muammar Kadhafi. Le meurtre de ce dernier aux mains d'une horde de rebelles soutenus par l'OTAN avait incité le président Barack Obama à proclamer, depuis la roseraie de la Maison-Blanche, que ce sordide événement signalait l'avènement d'une Libye nouvelle et démocratique. Puis, 2 ans plus tard, il n'y a aucune trace d'une telle Libye. Le pays qui a été bombardé par l'armée américaine, dont disons-le, de l'uranium appauvri, et ses alliés européens, répandant de l'uranium appauvri qui va être là pendant des millions d'années, portant préjudice à le code génétique de tous les gens qui y habitent, se trouve dans un état de désintégration très avancé. On apprenait lundi que la production pétrolière qui génère la quasi-totalité des recettes d'exportation du pays et plus de la moitié de son produit intérieur brut avait chuté à 90 000 barils par jour, à moins d'un dixième de la capacité d'avant-guerre. Ça, c'est une des situations, là. On parle d'importantes installations qui ont été saisies par des milices armées. Là, on se retrouve avec maintenant 3 gouvernorats. Un peu comme c'était le cas sous le régime colonial de l'Italie fasciste. On dit que, selon les estimations, il existe près d'un quart de million de miliciens qui sont armés et payés par le gouvernement libyen qui agissent en toute impunité sous la direction d'islamistes et de seigneurs de guerre régionaux. Les seigneurs de guerre constituent la principale puissance du pays. On parle d'affrontements entre les milices, des attaques au gouvernement, l'assassinat des fonctionnaires, ce sont choses courantes. C'est le bordel, là. Donc, on parle de chaos après ces 2 ans-là qui reflètent le caractère de la guerre elle-même. Des conditions de vie de la population qui habite en fait une nation riche en pétrole qui sont épouvantables, un taux de chômage qui est évalué à plus de 30%. Assez particulier. 1 million de personnes, dont un grand nombre sont des partisans d'anciens régimes, sont toujours déplacées à l'intérieur du pays. Une guerre impérialiste d'agression qui a tué quelques 50 000 civils libyens, qui en a blessé au moins autant. Il n'est évidemment pas question de sauver des vies, il s'agissait plutôt d'une guerre de pillage néocolonial, dont le principal but était de faire chuter le régime Kadhafi pour imposer à sa place un fantoche plus complaisant, particulièrement un système bancaire qui continuait de fonctionner comme Wall Street et Londres le voulaient. Alors, on a immédiatement après la chute du régime de Kadhafi, les fameux supposés gros rebelles bourrus, illettrés, connaissent absolument rien, qui savent juste tirer, puis assassiner, puis brutaliser le monde, sont arrivés avec une charte d'une banque centrale. Hein? C'est assez bizarre, ça. Pensez à ça. Ça, c'est vraiment là une des choses les plus intéressantes. Alors, ces gens-là sont arrivés avec une charte d'une banque centrale, ont réinstauré une banque centrale avec une monnaie qu'on a chupée de l'extérieur. Alors, après ça, parlez-moi de c'est quoi les enjeux principaux de cette guerre-là. Donc, article fort important à aller découvrir, évidemment. On parle d'un viol impérialiste d'un pays. Et le régime qui a été porté au pouvoir dispose d'aucune autorité, précisément parce qu'il ne doit pas son succès à un soulèvement populaire révolutionnaire, mais à une campagne de bombardement qui a été soutenue par des pays étrangers comme les États-Unis, ceux qui font partie de l'OTAN, complémentée par des opérations menées par des milices islamistes. Et on dit que de ces milices, un grand nombre est lié à l'Al-Qaïda, qui avait, sous la direction des forces spéciales américaines, britanniques, françaises et qataries, servi de groupe terrestre à l'OTAN. Hey, quelle coopération fantastique. Donc, 2 ans après la guerre, cette même couche de pseudo-gauche continue de promouvoir l'intervention impérialiste en vue d'un changement de régime en Syrie, en célébrant une fois de plus les manœuvres de la CIA, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de la Turquie, ainsi que les atrocités sectaires commises par les milices d'Al-Qaïda comme une révolution. Et puis, on fait passer ça comme étant un avancement. Donc, voilà. Mise à ruine d'une grande partie de la Libye, on a assassiné Kadhafi carrément d'une façon complètement arbitraire, comme on a fait avec Yasser Arafat. On continue, on s'en va dans un pays, on tue son gouvernement, pas son gouvernement, mais en fait le chef d'État. On pille la richesse de ces pays-là, on la transforme en une plateforme de l'hégémonie américaine, anglo-saxonne, bancaire dans la région. Et puis après ça, ben on s'installe comme ça. Donc voilà, hey, écoutez, c'est pas mal tout pour cette semaine, chers auditeurs. On a pas mal jasé, donc écoutez, on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir été à l'écoute, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir de vous savoir là. Continuez de partager les liens de l'émission, de la propager un peu partout sur le net. Faites-la écouter. C'est important, on a besoin de vous. Sans vous, nous n'existerions pas. Alors, moi, je fais mon autre bout ici au micro. Alors, ça fait bien plaisir. Alors, je vous salue bien bas. C'était François Marginan pour L'Autre Monde et à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde! Ooh.